بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اليوم ندخل في باب جديد, un nouveau chapitre qui est باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, le chapitre de la description de la salat du prophète صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب مهم جدا ينبغي الاعتناء به, حيث لا يمكن للمؤمن أن يقيم الصلاة كما أمره الله عز وجل حتى يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعه في ذلك. Donc c'est un chapitre qui est primordial, très important, auquel il faut donner beaucoup d'importance, du fait qu'il n'est pas possible aux croyants d'accomplir la salat comme Allah l'a ordonné, si ce n'est en connaissant la façon de faire du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afin de le suivre en cela. « Kama qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. » Vous avez certes, en le messager d'Allah, un très bon exemple, un très bon modèle pour quiconque espère, c'est-à-dire rencontrer Allah ou avoir sa récompense, et également le jour dernier. La siyama wa qad jaa al-amr khassan bi ittiba'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salati fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli, et surtout du fait qu'il est venu l'ordre spécifique justement de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa salat comme il l'a fait. Lui-même a dit: faites la salat comme vous m'avez vu accomplir la salat. Donc on doit suivre la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas celle d'autrui. Ne pas s'habituer à notre entourage, comme on voit les gens dans notre village, ils font la salat, comment notre père fait la salat, comment notre mère fait la salat, comment notre mazhab dit de faire la salat. Nous, on regarde la salat comme on l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en regardant les hadiths authentiques par rapport à cela. Naam. Faqala fil hadith at-tasi' wa sab'in, 79e hadith. Yaqul an Abi Hurayra radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Donc selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le takbir de l'ikhram de la salat, il se taisait un court instant avant de lire, c'est-à-dire la Fatiha. Donc j'ai dit au messager d'Allah: j'ai vu que tu te taisais un instant après le takbir, avant de lire la Fatiha. Qu'est-ce que tu lui dis? Que prononces-tu à ce moment-là? Il dit: je dis, oh Allah, éloigne-moi de mes fautes comme tu as éloigné entre l'Orient et l'Occident. Oh Allah, nettoie-moi de mes fautes comme tu nettoies ou comme se nettoie le vêtement blanc des souillures. Oh Allah, rince-moi de mes fautes avec de l'eau ou avec de la neige ou avec de la grêle. طيب يقول موضوع الحديث لسجد الحديث بيان دعاء الاستفتاح في الصلاة qui montre justement le jugement du دعاء de l'استفتاح d'ouverture, la vocation d'ouverture lors de la salat. قال في الشرح الإجمالي, explication globale du hadith. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت سكوتا قليلا بين التكبير والقراءة. Donc Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le takbir, il se taisait un instant entre ce takbir là et la récitation de Al-Fatiha. وقد فهم أبو هريرة بأنه لا بد أن يقول شيئا إما لأن الصلاة شيئا إما لأن الصلاة كلها ذكر لا سكوت فيها لغير استماع قراءة الإمام وإما لحركة من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها أنه يقرأ. Donc Abu Huraira a compris qu'à ce moment-là, il était certain que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait dire quelque chose. Car la salat, entièrement, n'est qu'un zikr, une évocation. Il n'y a pas de silence dans la salat. Si ce n'est pour écouter ce que l'imam récite. Ou alors, pour un geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferait. Donc, qala wa li hirs Abu Huraira ala al-ilm wa ittiba' al-sunnah, sa'ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amma yaqul fi tilka sakta. Donc, avec le souci qu'Abou Huraira apportait à avoir la science et à se renseigner et apprendre, et à suivre la sunna, il a interrogé le Nabi à propos de ce silence. Qu'est-ce qu'il disait ? فأخبروا بأنه يدعو الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين خطاياه بين خطاياه عفوا كما يباعد بين المشرق والمغرب فلا يكون قريبا منها ولا هي قريبة منه وأن يخلصه من خطاياه وينظفه من دنسها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يغسله بعد التنظيف منها بما يطهرها ويبرده En de là, le Nabi Sallam l'a informé qu'il invoquait Allah qu'il éloigne de ses fautes, comme il éloigne entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que ses fautes doivent être loin de lui, très loin de lui. Et également qu'il le débarrasse de ses fautes et qu'il en nettoie. Tout comme on nettoierait un vêtement blanc des souillures. Et ensuite, qu'il le rince après l'avoir nettoyé avec justement ce qui le purifie. Et qui rafraîchit de justement la chaleur, la température des péchés, avec de l'eau, avec de la neige, avec de la graine. وَبِهَذَا الدُّعَاءَ يَكُونُ مُتَخَلِّصًا مِنَ الذُّنُوبِ وَأَثَارِهَا فَيَقِفْ فِي صَلَاتِهِ بِنَ يَدَيْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَكْمَلِ الْحَالَاتِ. Et donc par cette invocation, il voit qu'il se voit, alhamdoulilah, débarrassé de tout péché et de leurs traces, afin de pouvoir se tenir debout dans sa salat devant Allah Azza wa Jal dans la meilleure des situations. طيب يقول من فوائد الحديث مشروعية استفتاح الصلاة بالتكبيرة الإحرام بهذا الدعاء qui lui permet justement de faire l'ouverture de la salat après le takbir par cette invocation. ثانيا الاستفتاح يكون سرا ولا جهرا que justement cette invocation d'ouverture se fait à voix basse et non à voix haute. ثالثا أن كل أحد مفتكر إلى دعاء الله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم que chacun justement est dans le besoin d'invoquer Allah عز وجل même le prophète صلى الله عليه وسلم et ça justement c'est une invitation à ceux qui invoquent le Nabi صلى الله عليه وسلم qui font du shirk qui l'invoquent qui demandent des choses d'intercéder lui-même le Nabi صلى الله عليه وسلم qui est la meilleure des créatures était dans le besoin d'invoquer Allah عز وجل donc comment serait-il invoqué lui-même وقال رابعا حرص الصحابة على علمي lié à Abdullah à la Basira. Qui montre que l'importance que donnaient les Sahaba au ilm afin d'adorer Allah avec clairvoyance. Contrairement à des gens qui aujourd'hui veulent adorer Allah et ne pas apprendre. Comme les tabliers par exemple disent qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre. Cela n'est pas la voie des Sahaba. Et cela n'est pas ce à quoi Allah nous a appelés. Bel, quand le Ta'ala, Qul Rabbi zni ilma. Allah dit à son prophète de dire justement de la science, du savoir. Et combien de Adilais sont venus pour montrer le vertu des gens de science, d'apprendre la science, réaliser les cas. Donc seule une personne noyée dans une profonde ignorance ou une personne qui se passionne ne pourrait émettre ce genre de paroles, qu'il n'y a pas tant d'apprendre, que les gens sont dans le besoin. Et justement dans le besoin, les gens, c'est comme un médecin, il veut dire je vais soigner quelqu'un, j'ai pas pris la médecine. On dit ne touche personne alors à ce moment-là. Enfin la religion a plus forte raison. Khamisan husn adab Abi Huraira radhiyallahu anhu yatalattaf fi su'al bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là ça montre le bon comportement du Nabi de Abu Huraira dont la douceur dont il a fait preuve lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa hadha alladhi akhadhna al-yawm min hadha al-hadith, naktafi bi hadha al-qadr wa alhamdulillahi rabbil alamin.